found it. I found it. A new life in Jesus Christ. Of love and peace. Of joy and hope. All in Jesus Christ. I found it. I found it. Oh, no, no. A new life in Jesus Christ. Of love and peace. Of joy and hope. Hallelujah. All in Jesus Christ. De louer le Seigneur un dimanche matin, rassemblé au nom, en son nom. I found it, I found it, I found it, a new life in Jesus Christ, of love and peace, joy and hope. Jesus, hallelujah, hallelujah. chanter ce chant ensemble. En Jésus-Christ, l'amour, la paix, la joie, l'espoir, tout en Jésus-Christ. Alléluia. One more time. Oh, j'ai trouvé. Oh, alléluia. Oh, non, non, non, non, non, non, non, non. Oh, Jésus. J'ai trouvé une nouvelle vie en Jésus-Christ. L'amour, la paix, l'amour, la paix, joie, l'espoir. Oh, alléluia. En Jésus-Christ. Joy and hope in Jesus Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Qui peut dire qu'il t'a fait tellement du bien? Il m'a fait tellement du bien, du bien. Elle peut chanter? Yes. Je veux proclamer, je veux témoigner. Je veux proclamer, je veux témoigner. Ah, Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Est-ce qu'il t'a fait tellement du bien? Il m'a fait tellement du bien. Est-ce que tu peux proclamer ce matin? Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Je veux proclamer, je veux témoigner, je veux proclamer, je veux témoigner. Dieu m'a fait tellement du bien, Dieu m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu m'a fait tellement du bien, il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien, il m'a fait du bien. Dieu m'a fait tellement du bien, il m'a fait tellement du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a fait tellement du bien. Alléluia. Si tu es ici, cela veut dire qu'il a fait tellement du bien pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier ce matin? Prie pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci. Nous t'invitons. Prends contrôle ce matin. Prends contrôle de nos cœurs ce matin. Oh, l'imbro se leva, kala chambro. Ikelebro se lebe, kele chambo. Oh, l'imbro se lebebe, kele chambra. Oh, l'imbro se lebebe, le bebe, kele mambro se le mamalamaba. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, merci. Viens nous aider ce matin. Viens nous fortifier. Viens nous reconforter ce matin. Oh, l'imbros et les mamas. Viens nous encourager ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Seigneur, merci ce matin. À ta présence. Et à la joie, à la liberté, Seigneur. Et ce matin, nous sommes ici pour te louer. Et Seigneur, une fois, nous demandons ta parole. Que cette parole nous remplisse. Que cette parole nous donne la lumière. Au nom de Jésus. Que les yeux soient ouverts ce matin. Que les vies soient sauvées ce matin. Que les cœurs soient changés ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous voulez acclamer, acclamer, c'est pour Dieu. Alléluia. Où sont, qui sont ceux qui étaient là hier? Yeah. OK? Et les autres jours? Qui sont ceux qui étaient là pour le Francophone for Jesus? Qui sont ceux qui étaient là? Oh, OK. Wow. Vous étiez où? Ceux qui n'étaient pas là? À la maison? Bien voyagé? Alléluia. Yeah. C'est pour nous, les francophones. Alléluia. Et lors de ces moments, nous, nous découvrons une autre partie du ministère. Alléluia. Alors, si tu es seulement ici, tu viens seulement ici, tu peux pas aller participer. Tu vas pas voir une autre partie du ministère. Alléluia. Et parfois, ça nous fait comprendre certaines choses. Et ça renforce ce que nous disons ici. Alléluia. Yeah. Je vais dire, mais lorsque vous arrivez là-bas parfois, vous allez dire, ah, c'est pourquoi le pasteur parfois parle ainsi. Ah, c'est ce que le pasteur a dit l'autre fois. Oh, c'est ce que le frère m'a dit l'autre fois. Alléluia. Et donc, ça renforce ce que nous faisons ici. Et donc, s'il y a une célébration, bien un culte à Kodesh et on demande d'aller. Ne dis pas que tu ne vas pas aller. Alléluia. Parfois les gens disent que je suis à l'aise ici, donc je ne veux pas aller là-bas. Ça, c'est pas un bon esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pas bon. Bien sûr, ça, c'est trop grand ici, c'est trop petit. J'aime ma petite famille. C'est une grande famille en fait. Tu ne sais pas. La famille de Dieu est grande. Alléluia. Yeah. Dans ce matin, nous allons continuer avec au sujet de l'appel. Alléluia. Nombreux sont appelés. Alléluia. Qui sont ceux qui n'ont pas toujours le livre? Hein? Qui sont ceux qui n'ont pas toujours le livre? Le livre. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me montrer mon livre, les livres? Ceux qui ont les livres? Hein? Jocelyne, tu n'as pas le livre? Ah, ok. Alléluia. Yeah. Faut les acheter, oh. Faut acheter les livres. Les livres sont des richesses cachées. Ceux qui disent que je vais être un Richard. Et puis tu regardes seulement la télé. La richesse est cachée. Alléluia. C'est un ministère. C'est un mystère, ça, c'est un mystère. Et puis c'est caché. Alléluia. Hein? Caché dans la Bible. Caché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est caché, la richesse, c'est caché. Hein? Les choses spirituelles viennent à ceux qui veulent vraiment. Ceux qui recherchent. Alléluia. Les choses spirituelles ne viennent pas à ceux qui sont là. Tu es là comme ça et puis là, ça vient. Non. C'est pas automatique. Tu dois rechercher. Alléluia. Et c'est caché dans la Bible. Et c'est révélé à certaines personnes. Et ces personnes ont écrit, ont mis ça dans un livre. Donc, c'est caché encore dans un livre. À part la Bible. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, il faut être quelqu'un qui lit. Si tu veux être un leader, si tu veux être un riche, si tu veux, réussir dans cette vie, si tu veux être un bon chrétien, c'est caché quelque part. Tu veux la joie dans le mariage, c'est caché. Alléluia. Ça ne vient pas comme ça. Ce que tu vois à la télé, c'est pas ça qui va te donner la joie. Alléluia. Yeah. Ceux qui regardent les stars de ce monde, ils pensent que c'est ça la vie. Non. Ce qu'ils font sur la télé, c'est acting. Hein? Acting. En français, c'est quoi? Jouer. Yeah, jouer, jouer. Ils sont en train de jouer. Ils sont en train d'apprendre et puis aller jouer, montrer que c'est ça. C'est pas ça. La vie réelle, c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, je suis en train de mettre l'importance sur les livres, la Bible et les livres chrétiens. Alléluia. Les journaux, les quoi, les magazines, ces magazines? Les journaux, les trucs, les livres là, tu mets des choses, oh. Qui te dit que c'est vrai? C'est pas ça. Alléluia. Ah. Ah. Bon, il faut être un chrétien qui lit la Bible, qui médite la Bible, qui lit les livres chrétiens. Alléluia. Tu dois avoir toujours un livre que tu es en train de lire comme chrétien. Alléluia. Yeah, tu vas voir, ta vie va changer. Tu vas comprendre certaines choses. Alléluia. Tu comprends ce que je dis? Yeah. Faut acheter. Faut acheter. Faut acheter. Faut acheter. Des livres. Faut avoir une bibliothèque de livres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Hmm? Alléluia. Donc, c'est pour vous encourager d'acheter ce livre. Ce livre, c'est un bon livre. Hein? Parfois, les gens aiment, lorsqu'on écrit 90, ou bien 90, comment on dit, étapes pour avoir de l'argent. Si j'amène ce livre ce matin, tout le monde va acheter ici. Hein? Tu vas acheter. Parce que tu es en train de rechercher la richesse. 3 moyens simples, rapides pour avoir la richesse. Yeah? Tout le monde va acheter ce livre ce matin si j'amène un livre comme ça. C'est bon, bien, c'est bon. Je suis en train de me regarder comme... Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Yeah? La voie est simple et rapide pour avoir la richesse. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir que la richesse, ça ne va pas, c'est pas rapide. On ne reçoit pas la richesse rapidement comme ça. Yeah. La richesse vient petit à petit. Ceux qui ont la richesse, aujourd'hui, je suis riche là. C'est pas une vraie richesse. Alléluia. Hein? Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est comme les gens n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Yeah. Nous allons continuer. Les obstacles qui empêchent de produire des fruits. Alléluia. Les fruits spirituels. Les obstacles qui nous empêchent de gagner des âmes. Nous sommes en train de parler de gagner des âmes. Alléluia. Hein? C'est un moyen pour être riche dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Yeah. C'est un moyen pour être riche. Pour être sage. Dans ce monde, dans ta vie. Tu seras sage. Tu vas prospérer. Lorsque tu es gagnant de ça. Alléluia. Yeah? Yeah. On a commencé la semaine passée en disant que, hein, page 87, si vous avez le livre, hein, c'est pourquoi vous devez avoir le livre. Alléluia. Page 87, hein, il dit, vous devez surmonter les maladies de l'esprit afin de produire des fruits. Alléluia. Les maladies de l'esprit, c'est en général, c'est le péché. Le péché. Amen. Yeah. Surmonter le péché. Parce que si tu as toujours, tu pratiques le péché, tu vis dans le péché, tu ne peux pas gagner des âmes. Alléluia. Tu es malade. Il y a une maladie qui t'empêche de produire, d'être grosse, de porter la grossesse. Alléluia. Comme une femme. Amen. Comme une femme, comme un couple. Si l'un des couples est malade, il peut pas avoir de fruits. Il peut pas avoir d'enfants. Alléluia. C'est la même chose spirituellement. Lorsqu'un chrétien malade spirituellement, par le péché, le fruit spirituel ne se produit pas. il n'y a pas de fruit. Est-ce qu'on comprend cette comparaison de femme ou bien de couple marié? Alléluia. Et puis la vie d'un chrétien, la même chose. Est-ce qu'on comprend? Tout doit fonctionner très bien. De l'homme et puis de la femme, tout doit fonctionner. Si ça, quelque chose ne fonctionne pas, il ne peut pas avoir de l'enfant. Il ne peut pas avoir des enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? La biologie va te dire qu'avec une seule éjaculation, c'est ça le mot? Une seule. Il y a des milliers de spermes. Milliers. 40 millions. Je pense que 40 millions, de spermes. Alléluia. Et tous ces spermes, ils doivent avoir des spermes qui sont en bonne santé. Qui peuvent nager. Alléluia. Ils peuvent nager pour aller, féconder. Et s'il arrive à l'ovaire ou bien l'ovule, je sais pas. Et puis l'ovule n'est pas aussi en bonne condition. C'est la même chose, ça ne va pas. Il n'y aura pas d'enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Biologie. Alléluia. C'est pas dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. La Bible nous a énuméré certaines choses. Alléluia. C'est une qualité que le chrétien qui doit aider le chrétien à être en bonne santé. On va relire un peu. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 5. Vous êtes là? 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu. À la vertu, la science. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est quoi? Tu peux me dire la vertu, c'est quoi? La vertu. Et la vertu, c'est quoi? Une qualité. Alléluia. Vertu, qualité. Donc, ajouter à la vertu, c'est pour cela, faites tous efforts pour ajouter à la foi. Vous voyez, la foi, c'est la première chose lorsque tu donnes ta vie à Dieu. La Bible dit que lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses, tu es né de nouveau, tu reçois le salut. Alléluia. Ça, c'est la foi dont la Bible parle. Alléluia. Donc, ajouter à cette foi. Donc, après ton salut, alléluia, tu dois ajouter à ça la vertu, une qualité, une bonne qualité de vie chrétienne. Alléluia. À la vertu, c'est comme on parle de femme vertueuse. Ça englobe beaucoup de choses. Lorsqu'on lit Proverbe 31, il y a beaucoup de choses, la Bible a décrit d'une femme vertueuse. Alléluia. Ce sont des qualités, de bonnes qualités de vie chrétienne. Alléluia, la vertu. Et puis à la vertu, la science. Ici, la science, c'est quoi? La science, c'est quoi? La connaissance. Amen. Tu dois connaître, tu dois savoir, tu dois connaître. Tu dois savoir, tu dois comprendre certaines choses, connaître certaines choses comme un chrétien. Tu dois lire la Bible. Alléluia. Et lis la Bible. Amen. Pour connaître, pour avoir connaissance, pour connaître ton Dieu. On ne peut pas connaître en totalité, mais on peut connaître petit à petit. Why do you change? Petit à petit. Alléluia. Tu vas connaître ton Dieu. Et donc, la connaissance, la science, et puis à la science, la tempérance. Tempérance ici est quoi? Maîtrise de soi, tempérance, amen, sobriété, dans l'usage, hein, et quoi, modération, yeah, modération, hein, yeah, contrôle de soi, alléluia, faut te contrôler, pour ne pas trop manger, yeah, pas trop manger, amen, yeah, pas trop manger. Lorsque tu manges trop, c'est un péché. La Bible dit que le gourmand. Vous comprenez ça? Vous savez? Vous savez ça? Yeah. Lorsque tu manges trop, c'est un péché. Extrait de table. Yeah. Mange trop, bois trop. Hein? Tape trop. Hein? Tu as mal à la main. Lorsque quelque chose, tu veux taper. Lorsque quelque chose, tu veux taper. C'est comme ta main. Veut du travail à faire. Assez bien, facilement. Contrôle de tes émotions. Une petite chose en train de pleurer. Hein? Petite chose, tu es en train de pleurer. Petite chose, tu es fâché. Offensé. Ce matin même, quelqu'un t'a offensé. Tu es offensé ce matin. Non, contrôle-toi, contrôle-toi. Sinon, tu ne seras pas un bon chrétien. Alléluia. Et tu ne peux pas porter de fruits. Tu vas gagner des âmes. Lorsqu'on parle de porter de fruits, si on parle de gagner les âmes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. En colère. Colère. Chaque fois, tu es en colère. Chaque fois, personne ne peut rester avec toi. Tu n'as pas d'amis. À cause de cela. Alléluia. Et donc, tu ne peux pas gagner une âme avec cette attitude. Amen. Tempérance, à la tempérance, la patience. Tu n'es pas patient. Hein? Tu n'es pas patient. Pas patient. Tout de suite, tu trouves, comment on dit, une fille, tu veux avoir un rapport avec la fille. Qui? Hein? Ça même, c'est contrôle. Tu n'as pas la tempérance. Contrôler tes désirs sexuels. Tu n'arrives pas. Alléluia. Yeah. Yeah. Il faut contrôler les désirs là. Désirs sexuels. Parce que c'est fort. Pour les jeunes, surtout nous les jeunes. C'est fort. Yeah, c'est fort. C'est pourquoi on dit chaque fois, ou bien on vous demande chaque fois. Après l'école, lorsque vous trouvez un boulot, il faut vous marier. Yeah. Faut te marier à l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Lorsque tu finis l'école, tu as trouvé un boulot. Hein? Faut te marier pour contrôler tes désirs sexuels. Vous comprenez? Yeah. Là, tu diriges à une seule personne. À la direction. À ta direction. Ou bien. Yeah, c'est ça. Là, il est là ou bien elle est là toujours avec toi. Yeah. Lorsque tu veux, tu fais. Vous comprenez? Yeah, c'est ça. C'est la réalité, j'ai dit. Oh. C'est une vérité. Yeah. La Bible dit de se réjouir avec ta femme de la jeunesse. C'est pas la femme de la vieillesse. C'est ce que le monde nous dit. Yeah. Oh, pourquoi tu veux te marier? Tu es jeune. Parfois les parents. Toi, tu es trop jeune. Pourquoi vous voulez vous marier? Non, on veut pas être trop jeune. Hein? Mais les parents ont oublié que, alors qu'on est jeune, on est en train de activement pratiquer le sexe. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Si tu es le premier-né, bien deuxième-né, il faut soustraire ton âge de l'âge de tes parents. Tu vas voir que les parents sont mariés très jeunes. Ou bien, il faut soustraire ton âge de l'âge de ta mère ou bien ton père. Tu vas voir que, ils étaient très jeunes. 20 ans. Je pense que ma mère avait 20 ans lorsqu'il a notre aîné était né. Ma mère, 20 ans. Très jeune. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et à le monde aujourd'hui, on dit quoi, des sueurs? Non, le monde a changé. Ah, le monde a changé. On a beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on est enceinte, il y a la grossesse, on veut avorter, et puis l'avortement crée la mort, et puis ça crée aussi la stérilité, ça crée beaucoup de situations, les relations sont à l'envers, beaucoup de problèmes. Alléluia. Pourquoi ne pas se marier très jeune? Ou bien, très jeune, après l'école, ornal, après l'école. Tout fait un boulot et puis marie-toi. Il faut trouver une fille et puis se marier et puis diriger le truc là vers elle. Et puis c'est fini. Vous comprenez ce que je dis? Faut pas attendre. Parce que lorsque tu attends, tu risques de forniquer. Tu risques. Alléluia. Mais si tu n'es pas prêt pour te marier, qu'est-ce que tu fais? Pour contrôler le désir, pour avoir la tempérance. Hein? Vous savez? Faut être spirituel. T'engager dans des activités spirituelles. Comme chrétien, tu vas voir que ton attention ne sera pas trop sûre. Parce que les désirs seront là. Les désirs, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est naturel. C'est pas ta faute. Alléluia. Donc, tu vas voir que, par exemple, ceux qui dansent là, je pense que c'est vrai ce que je dis, ceux qui dansent auront pas de temps de penser au sexe. Parce qu'ils doivent aller répéter. Oh, aujourd'hui, on va aller répéter. Demain, oh, toi, tu ne danses pas. Qu'est-ce qu'on fait? On doit répéter encore. On doit revoir encore. Donc, une partie de ton attention n'est pas sur le sexe. Je pense que c'est vrai, le groupe de danse. Groupe de chorale. Groupe de rappeurs. Groupe de trucs. Au moins, une attention est sur, une partie de ton attention est sur l'activité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, évangélisation. Ton attention est un peu, on va aller évangéliser les gens. Donc déjà, tu penses à l'évangélisation. Même si tu as dit de avoir, tu vas dire, oh Seigneur, ça là, je peux pas faire. Parce que je suis en train d'évangéliser, ou bien? Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tu es oisif, on dit oisif, non? Tu ne fais rien. Et tu es là. Et puis tu regardes la fille passer comme ça. Demi-nuit. Quelqu'un qui évangélise, n'a même pas beaucoup de temps pour regarder. Mais toi, tu n'as rien, tu es assis, et puis, elle passe, et puis tu regardes, tu vas voir que tu vas te diriger vers elle. Vous comprenez ce que je dis? Donc, une partie de ton attention l'attention est réduite. Est-ce que vous comprenez? Et puis, deuxième chose, la prière. Ça, c'est une activité spéciale. La prière, la parole, méditer. La Bible dit que lorsque tu gardes la parole dans ton cœur, c'est difficile. La Bible dit que comment est-ce qu'un jeune peut être pur sans la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui nous aide à être pur comme des chrétiens. Parce que lorsque tu commences, tu fais la main comme ça pour aller toucher le sein. La parole va dire, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas entendre ça. Alléluia. Et tu vas voir que, oh Seigneur, je peux pas, oh Seigneur. La parole de Dieu, c'est ça. Sans la parole de Dieu, lorsque tu bouges la main va toucher le sein. Est-ce que vous comprenez? Certaines personnes, nous connaissons la parole, mais c'était pas dans le cœur. On n'a pas médité. Ça ne fait pas partie de nous. Donc, tu connais la parole de Dieu, tu médites, mais c'est pas dans ton cœur. Donc, tu vas aller toucher. Tu vas forniquer. Mais lorsque la Bible dit révéler l'intelligence. Donc, ça fait partie de ton intelligence. Et c'est dans ton cœur. Donc, déjà, lorsque tu bouges la main, Oh, le Saint-Esprit va te rappeler de cette parole. Alléluia. Va te rappeler de cette ce verset. Contrôle, contrôle, contrôle. Tempérance. Piété, piété, piété. Vertu, vertu, vertu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole et la prière. Chaque jour tu pries. 2 heures de temps, 1 heure de temps. Brosse les bébés, que les gens brosse les bébés. Chaque jour, tu pries chaque jour. Et tu vas toucher la cuisse de quelqu'un. C'est pas possible. À moins que tu pries pour nous montrer, pour nous impressionner. Pour nous impressionner, tu pries. Ou bien tu médites la vie pour nous impressionner. Là, tu vas forniquer. Mais lorsque tu fais ça de ton cœur, et tu fais ça chaque jour, c'est pas que la Bible dit que c'est journalier, chaque jour. Tu pries chaque jour, tu médites chaque jour. Mon frère, ce serait difficile. Est-ce que vous apprenez quelque chose ce matin? Pour ne pas forniquer. Pour ne pas forniquer. Pour ne pas forniquer. Alléluia. Et puis, troisième chose. Pour ne pas forniquer. Première chose, c'est quoi? Activité spirituelle. Tu es engagé. Ceux qui ne font rien à l'église, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, pour t'aider, commence à faire quelque chose dans l'église. Alléluia. Deuxième chose, la prière et la parole. Pour ne pas forniquer. Il y a beaucoup qui ne forniquent pas. Donc, c'est comme tu es seul, tu ne sais pas. Tu es seul ici, là. Il y a beaucoup qui ne forniquent pas. Ils arrivent à ne pas forniquer. Parce que parfois, les gens pensent que tout le monde fait la même chose. Tu te trompes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et troisième chose, tu ne restes jamais avec le sexe opposé, seul dans un endroit. Seul. Tu es dans ta chambre, elle arrive avec les seins ouverts. Sors de la chambre. Sors de la chambre. Tu ne restes jamais seul avec une fille dans la chambre. Alléluia. Seul, non. On reste dehors. Même si je vais te marier demain, on reste dehors. Ou bien, on reste dehors. Tu vas voir que, pasteur, je n'arrive pas. C'est parce que tu veux. Ceux qui vont, ils disent, oh, c'est parce que j'essaie plusieurs fois, je ne sais pas quoi. Tu veux, dans ton cœur, tu veux faire. Il ne faut pas venir nous tromper. On n'est pas né hier. On va dire au pasteur, toi tu ne comprends pas la manière dont mes désirs. On n'est pas né hier. C'est parce que tu veux. Sinon, si tu sors de la chambre, ça ne va pas arriver. La Bible dit comment est-ce que l'on peut garder le feu chaud, comment on appelle? La braise qui brûle là, il y a le feu dedans. Gardez ça dans le feu. Tu peux garder la braise ici. Ça va te brûler. Donc tu ne peux pas garder une fille ici comme ça. Sinon tu seras brûlé. Tu seras brûlé. C'est pourquoi on demande aux jeunes hommes, est-ce que tu brûles? Tu brûles. Il y a le feu en anglais. Are you burning? Est-ce qu'il y a le désir sexuel qui te brûle? Forgive. Alléluia. Donc tu te dis, je ne vais pas rester ici seul avec toi. Sors de la chambre ou bien nous sortons ensemble. Et si tu fais ça par la grâce de Dieu, lorsque Dieu voit ton désir de ne pas forniquer, tu auras une certaine énergie, une certaine force pour ne pas forniquer. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'une des choses qui rabaisse ton niveau de spiritualité. ceux qui ont vroniqué la semaine passée là, ne seront pas ici dimanche. Yeah. Tu forniques dans la semaine, tu vas voir que c'est comme tu ne vas pas. Ce serait rare de te trouver ici ce matin. Yeah. C'est ça qui commence. Et puis tu vas voir que, ah non. Oh, yeah. Et puis lorsque tu restes à la maison, tu risques de faire encore. Tu vas forniquer encore. Forniquer jusqu'à ce que tu ailles, oh, Seigneur, ça là c'est fini. Yeah. Lorsqu'on t'appelle, tu es où? Oh non, je suis... Ah là, ok, j'arrive, non, je ne suis pas à la maison. Yeah. C'est ce qui se passe. La plupart des temps, ceux qui ne viennent pas à l'église, c'est à cause de ça. C'est à cause du péché. C'est à cause de la fornication. Beaucoup de personnes quittent l'église, c'est à cause de la fornication. Parce que lorsque tu arrives, je vais prêcher. Et tu vas te sentir mal. Les gens sont partis, non, ok, j'ai retrouvé mon église. Parce que ton église, on ne parle pas de cela. Mais lorsque je viens ici, on va parler de cela. Yeah. Je suis parti parce que là, on ne te... Il n'y a pas de contrôle. Beaucoup de jeunes n'aiment pas le contrôle. Et c'est ça qui t'amène d'en faire des bêtises. Yeah. Yeah. Alléluia. Mais c'est dans la parole de Dieu. Et pour nous, l'un des problèmes, grands problèmes que nous avons, sont les désirs sexuels. Yeah. Et voyez, nous-mêmes, nous cherchons même. Nous cherchons. On va aller acheter la vidéo pornographique pour activer. Alors que tu n'as pas beaucoup de désirs, mais tu achètes la pornographie pour activer les désirs sexuels. Nous-mêmes, nous achetons ça. Nous cherchons ça. Hein? Yeah. Beaucoup d'entre vous, oh non, j'ai pas de bande pour aller prier. Oh, lorsque tu pries mon téléphone, il n'y a pas de crédit. Tu as acheté de crédit pour regarder la pornographie. Mais pas pour prier. Yeah. Yeah. Les chrétiens, ce sont les chrétiens qui font ça. Ce sont les chrétiens. Ah. Vous êtes là? Oh, ok. Oh. Wow. On a fini. Le temps est parti. Rappeur, vous allez rapper. Vous allez rapper? Tout le monde est là? Ok. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Piété pure, la pureté. Pureté. Hein? Pureté mentale. Et pureté, comment on dit? Physique. Alléluia. Yeah. Comme fille, tu dois être pur. Faut pas exposer le corps. Faut exposer. Pas trop serré. Pas trop serré les habits. Alléluia. Yeah, faut être pur. En action et puis dans le cœur. Yeah. Piété. La piété est l'amour fraternel. L'amour pour les uns et les autres. Parce que c'est l'une des choses, lorsque tu n'as pas l'amour pour ton voisin, tu ne vas pas parler de Jésus à cette personne. Tu dis, oh, moi je suis sauvé, c'est fini. Tu n'as pas l'amour fraternel. Pour parler à ton voisin, tu dois donner ta vie à Dieu. Alléluia. Yeah. Yeah. Et l'amour fraternel, la charité, l'amour même. Alléluia. Et la Bible dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Yeah. Donc, ce sont les choses-là vont nous aider à être en bonne santé. Alléluia. À être en bonne santé. Et puis, il y aura des fruits. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 19. Je finis avec ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? On va gagner les âmes. Nous serons productifs. Des chrétiens qui produisent des fruits, qui portent de fruits. Alléluia. Ce sont pas des chrétiens paresseux. Des chrétiens stériles. Hein? Marc chapitre 4, verset 19. Les soucis du siècle, la séduction de la richesse, des richesses, l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et les rendent infructueuses. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est étouffée, son effet se trouve bloqué. Yeah. Ça bloque. Ça bloque. Les soucis du siècle. Ça bloque l'effet de la parole de Dieu. Yeah. Donc ça, c'est une chose qui empêche les chrétiens de produire des fruits, de porter des fruits. Les soucis de ce monde. Alléluia. Yeah. Et chaque fois, je dis que ces soucis sont légaux, sont légaux. Yeah. Alléluia. Yeah. Tu dois aller à l'école, ou bien, les soucis de ce monde, c'est quoi? Études, travail, d'accord? Mariage, quoi? Enfant, maison, voiture, l'argent, quoi encore? Les cheveux, les habits, les chaussures. Les soucis, qu'est-ce qui te donne les soucis? J'ai pas d'argent pour acheter le quinqué. C'est un souci. Pasteur, j'ai un souci. Très sérieux, j'ai pas l'argent pour acheter le quinqué. C'est un souci, non? Ah, c'est un souci. Sont des choses qui sont légales. Légal, oui, je dois aller à l'école, je l'apprends, bien. Yeah. Mais lorsque nous mettons la parole de Dieu mauvais, à la mauvaise place, l'école va empêcher la parole de Dieu de produire de fruits dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Yeah. Tu peux dire, à cause de l'école, je suis en train d'apprendre ce matin, donc je vais pas venir à l'église. Tu peux dire ça, bien. Et tu vois, lorsque tu dis ça, le pasteur n'a pas beaucoup de choses à dire, parce que c'est légal. Ou bien? Yeah. Ah. J'ai pas d'argent. Mon mariage, je dois préparer le banco pour mon mariage ce matin. Pasteur, je peux pas venir à l'église. Yeah. Alléluia. Mais lorsque tu laisses les soucis de ce monde, tu vas voir la vérité qu'il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours. Tu vas avoir mes études, tu finis, tu as ton diplôme. Travail. Oh, ok, mais, ok, j'ai besoin de femmes, Seigneur. Femmes, on te donne femmes. Maintenant, le souci, c'est d'avoir la grossesse. Tu vas essayer. 3 ans, moi, j'ai fait 3 ans. 4 ans, 5 ans, l'enfant ne vient pas, ça devient un souci. Ou bien, chaque fois, il y aura toujours des soucis dans ta vie. Donc, lorsque nous considérons les soucis, on ne va pas gagner des âmes pour Dieu. Donc, dans les soucis, nous devons gagner des âmes. Yeah, dans les soucis. Yeah, dans les soucis, nous devons gagner les âmes. Sinon, si on veut regarder les soucis, on ne va pas gagner les âmes. On ne va même pas venir à l'église. Yeah, parce que ce matin, moi, j'ai un souci. J'ai un souci. Alléluia. Et donc, vous allez voir, ok, Stéphane va dire, ok, pasteur a un souci, donc, il ne peut pas venir à la maison. Ça serait bizarre, ou bien. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Donc, c'est bizarre, parfois c'est bizarre lorsque. Amen. Alléluia. Yeah. Donc, on a l'école, on va aller à l'école, on va travailler, on va se marier, on aura des enfants, on va faire des trucs, des maisons, tout ça, là. On n'a pas d'argent, mais on va servir le Seigneur. C'est ça. On va servir, on va trouver un moyen. Il y a toujours des moyens. Alléluia. Si tu veux faire, tu vas faire. À moins que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu vas trouver un souci. Ou bien une excuse. Tu vas trouver. Mais si tu veux vraiment, tu vas faire. Alléluia. Donc les soucis de ce monde peuvent nous empêcher de produire des fruits. Les convoitises et les plaisirs de cette vie. Waouh, les convoitises, convoiter, Ça veut dire quoi? Désirer. Les plaisirs. Oh, la vie. Les plaisirs de ce monde. Quels sont les plaisirs de ce monde? Le sexe. Ah, on a parlé de ça. Quoi encore? Quoi? La boisson. Aller en boîte. Même le nom même. Le nom de boîte là. Le nom boîte. Comment est-ce que tu peux aller dans une boîte? Même le nom même. Hein? Le nom même. Boîte, c'est comme celle-là, tu vas aller là-bas. Boîte. Hein? Alléluia. Waouh, c'est pas que je manque de mots, mais on n'a pas beaucoup de temps. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser un cri de joie? À partir d'aujourd'hui, on ne va pas permettre le sexe de nous contrôler. Nous allons contrôler les désirs sexuels. On va les diriger, ces désirs, pour les activités spirituelles. Yeah. Yeah. Alléluia, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia, fermez les yeux, levez les mains. Remerciez le Seigneur. Et faites un vœu, si je peux dire un vœu. Il y a un engagement ce matin à Dieu. Saint Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, je vais diriger l'énergie sexuelle dans les activités, bien pour les activités spirituelles. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous allez prier? À partir d'aujourd'hui, je veux faire quelque chose dans ta maison. Une activité. Je veux plus rester oisif, sans rien faire. Je veux faire quelque chose pour toi. Seigneur, je veux contrôler mes désirs sexuels. À partir d'aujourd'hui, les trois choses, activité spirituelle, la parole et la prière, et ne pas rester seul avec le sexe opposé. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ces trois choses, je vais les pratiquer. Dans ma vie, pratiquement, je vais les faire. Pour que je puisse éviter et surmonter la tentation. Tentation sexuelle. Au nom de Jésus. Je veux être pur dans ma pensée et dans mon cœur, Seigneur, dans mes actions. Je veux être pur, pur, pureté spirituelle, Seigneur, pureté spirituelle. Oh, ta parole sera l'objet de mes pensées, Seigneur. Je vais méditer chaque jour, je vais prier chaque jour. Prier, Seigneur. Seigneur, donne-moi cette grâce. Au nom de Jésus. Je ne veux plus rester seul. Je ne peux plus m'allonger sur le lit. Seul, disant que je suis un chrétien. Fort. Donc je ne veux plus, je ne veux pas tomber. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus essayer même. Je ne veux plus essayer. Pour pouvoir être pur. Pour pouvoir vivre une vie plus pure. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je ne veux pas laisser les soucis de ce monde. Seigneur, ce matin, je connais que les soucis, je sais. Maintenant, on m'a dit que les soucis seront toujours là. Et par ma petite expérience, je réalise qu'il y a toujours un souci. Toujours, Seigneur. Oui. Dans les soucis, je vais te servir. Je vais trouver un moyen. Je vais trouver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de prier? Priez. Le Seigneur va vous donner la grâce. Une certaine énergie. Lorsque le Seigneur réalise ton désir pour le servir, il va te donner une énergie. Par son esprit, le Saint-Esprit sera là. Faut te fortifier pour accomplir ce désir pour lui. Au nom de Jésus. Et lorsque tu recherches premièrement le royaume des cieux, les choses vont te suivre. Tu vas les avoir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Avant de s'asseoir, on va prier. Je vais prier pour toi spécialement. Fermez les yeux. Je vais prier pour toi. Tu es ici. On t'a invité. Et tu réalises que tu n'as pas le salut. Tu n'es pas si le Seigneur arrive aujourd'hui et veut amener ses enfants au ciel. Tu n'es pas sûr si le Seigneur va te choisir. Tu sais, tu as mené une vie. Tu sais vraiment que tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu vas seulement à l'église, mais tu n'as pas vraiment pris une décision de dire, Seigneur, je t'appartiens à partir d'aujourd'hui. Je vais te servir. S'il vous plaît, les yeux fermés, tout le monde. Je vais baisser la tête. Seigneur, ce matin, je veux te donner ma vie. Je crois ce matin et je veux te donner ma vie. Je veux que tu m'aides. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux aller au ciel un jour. Et ce matin, si tu es là, tu veux lever la main pour faire cette prière. Pour dédier ta vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main. Merci mon frère, lève la main. Lève la main. C'est pas la honte. La Bible dit que lorsque tu as honte, tu as honte de moi aujourd'hui. Le jour là, j'aurai honte de toi. C'est pas la honte, c'est la vie et la mort. C'est la vie. Merci mon frère, merci. Merci. Qui aussi? Qui aussi? Lève la main. Mon frère, ma soeur, lève la main. Le Seigneur t'appelle. C'est le premier appel. C'est le premier appel. Le Seigneur t'appelle ce matin. Réponds à cet appel. Tu ne sais jamais. Tu as l'opportunité aujourd'hui. Demain, tu ne sais jamais. La Bible qui viendra. Et personne ne va le savoir. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Le Seigneur veut te sauver ce matin. Te donner une nouvelle vie. Ma soeur, lève la main. Lève la main. Tu sais dans ton cœur, ne reporte pas demain. Parce que personne ne sait demain. Même ce soir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ne reporte pas. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Si tu es là, c'est pas dit que le Seigneur t'a donné, te donne une opportunité de recevoir. N'attends pas qu'il est trop tard. Dis qu'il est trop tard. Lève la main. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu veux venir devant? On va prier. Viens, on va prier. Tu as levé la main, viens. Tu as levé la main, viens. Viens. Viens. Ma soeur, viens. Viens. Viens. Viens. Alléluia. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Tu n'as pas levé la main, mais tu veux venir, viens. Tu n'as pas levé la main, mais tu sais que tu dois venir, viens. Viens. Tu n'as pas levé les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as pas levé la main, mais tu sais que tu dois être ici. Tu sais. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur te voit ce matin. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir? Si c'est toi, tu risques de ne plus avoir cette opportunité. Parce que je sens très fort dans mon cœur que tu dois venir, mais tu n'es pas venu. Tu risques de ne plus avoir l'opportunité de donner ta vie à Dieu. Et un jour, tu vas te rappeler de ce jour. Et tu seras à un endroit où tu ne vas pas aimer du tout, pour le reste, pour l'éternité. Si tu es là, viens. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer de l'enfer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci. Les yeux fermés. Ceux qui sont devant moi, levez la main. Ceux qui sont devant ici, levez la main. Et fais cette prière avec moi. Et tout le monde, fermez les yeux. Dis, Seigneur, je te remercie. Fais cette prière. Dis, Seigneur, je te remercie pour ma vie. Je te remercie que tu as envoyé Jésus. Ce matin, je crois qu'il est mon sauveur. Et je le confesse ainsi. Je le confesse comme sauveur. Et ce matin, je prends une décision de te suivre. Je te donne ma vie, le reste de ma vie. Seigneur, merci. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, lave-moi. Pardonne-moi. Seigneur, la parole dit que tu es fidèle pour pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen.